La délégation de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, conduite par son président Choi Tae-bok, a regagné la patrie le 25 février, au terme de sa visite officielle en Iran et de sa participation à la 6e conférence internationale en faveur du peuple palestinien tenue en Iran.